طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Mu'amalatul Hukam ala daw al kitab wa sunnah. Et donc c'est le livre qui nous explique, écrit par le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis ibn Abdul Karim, qui nous explique le comportement à adopter envers les dirigeants selon le Coran et la Sunna. Donc on a commencé, au dernier cours, on était dans le chapitre numéro 4, si je ne me trompe pas. Et on avait expliqué que le titre de ce chapitre c'est « Hukmul imam wal hikmatu minha wa bayanu maqasidiha » c'est-à-dire le verdict au sujet de l'imam, al-imam, c'est-à-dire le verdict au sujet d'avoir un dirigeant. C'est quoi? Est-ce que c'est obligatoire, oui ou non? On a expliqué que c'était une obligation. La sagesse d'avoir un dirigeant, on en a parlé et on était en train d'expliquer que yani, s'il n'y avait pas un dirigeant pour nous organiser nos affaires, notre vie, organiser les différents aspects sociaux, les différents aspects de yani, qui ont rapport avec la société, la vie, établir les peines et ainsi de suite, établir les adorations, on n'aurait pas d'ordre dans la société, ce serait le chaos. Donc on a besoin d'un dirigeant qui nous dirige, ça c'est une nécessité, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et la sagesse de ça, c'est comme on l'a dit, pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait de l'ordre dans la société, pour pas qu'il y ait du chaos et du désordre, pour pas que ça soit comme la loi de la jungle, le plus fort qui mange les plus faibles. Et ensuite, on a commencé à expliquer maqasid al-imam, c'est quoi les objectifs de al-imam. Et on a parlé d'une citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Et on a expliqué à la fin du cours, justement, cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim, où on expliquait que certaines personnes ont divisé la politique, ou plutôt, ils disent, ont divisé la religion. Il dit فَهَكَذَا النَّاسِ يعني ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل. Donc de diviser la religion en politique et en sharia et politique, c'est une fausse division. C'est-à-dire il y en a qui disent il y a la sharia puis il y a la siyasa. Et Cheikh il dit ça c'est une division qui est fausse. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il l'explique. Il dit والسياسة نوعان سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمتها والسياسة باطلة مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. Donc il dit que la politique elle est de deux sortes, donc c'est pas la charia qui se divise en charia et politique, c'est en fait que la politique elle se divise en deux catégories. La politique qui est juste et qui est bonne, qui est en réalité une partie de la charia, et une autre politique qui est fausse, hein, et qui est, disons, l'opposé de la justice. Et elle contredit et elle s'oppose à la charia de la même manière que l'injustice s'oppose à la justice. Donc ça, c'est la première chose que l'imam Ibn al-Qayyim a clarifié. Et je vous ai cité la citation de qu'est-ce que j'avais traduit justement de cette parole de l'imam Ibn al-Qayyim au dernier cours. Pour expliquer qu'il y a plusieurs groupes de bid'a parmi les gens de l'égarement qui ont fait des erreurs dans leur façon de concevoir la charia, puis comment ils l'ont divisée. Donc, il expliquait, l'imam Ibn al-Qayyim, que il y en a parmi les musulmans qui ont essayé de diviser entre la charia et la politique. Comme les laïcs. Hein, on a aujourd'hui les gens qui disent il faut séparer la religion puis la politique. Et il y en a d'autres qui disent il faut séparer la charia et al-haqiqa. Et ça, c'est les soufis qui ont ramené cette séparation-là. Qui ont dit il y a la charia qui sont les règles, les applications physiques, les aspects extérieurs de la religion, puis al-haqiqa, c'est la réalité de la religion. Et ils prétendent que cette réalité, on ne peut pas la connaître sauf si on suit le soufisme. Donc ils essaient de diviser la religion en deux. Et il y en a d'autres qui ont divisé la religion aussi en raison et révélation. Comme les Mu'tazila par exemple. Ils ont dit, nous, s'il y a un conflit entre la révélation et la raison, on prend la raison comme référence. On ne prend pas la révélation. Et il y en a d'autres qui ont fait d'autres divisions de ce genre. Et Cheikh Ibn al-Qayyim, il a dit, la réalité par rapport à tous ces exemples qu'ils ont mentionnés, la politique, al-haqiqa, la réalité, la raison, al-aql, al-tariqa, la voie, tout cela se divise en deux. C'est-à-dire que dans toutes ces choses-là, il y a qu'est-ce qui est vrai et il y a qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est vrai de ces quatre exemples, ça fait partie de la charia. Et c'est la vérité, et c'est qu'est-ce qui est bon. Tandis que tout ce qui est en contradiction avec la charia dans ces choses-là, eh bien, c'est ce qui est faux et c'est ce qui est à rejeter. Donc, comme j'expliquais au dernier cours, il y a des gens qui disent on ne peut pas mélanger la politique avec la religion parce que la politique, c'est sale, c'est mauvais. C'est l'hypocrisie, hein? Tandis que la religion, c'est le bon, c'est le bien, c'est la pureté. Donc, à cause de ça, ils utilisent ça comme un exemple ou comme un prétexte pour dire que, dans ce cas-là, il faut séparer la religion de la politique. Nous, quand on parle de la politique, on ne parle pas de cet aspect de la politique qui est, justement, laide ou sale ou mauvaise ou hypocrite. On parle de l'aspect de la politique qui est bonne et qui est en accord avec la charia. Et c'est pour ça que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle as-siyasatu shar'iyya, hein, la politique qui est basée sur la révélation, sur la religion. Et dans l'islam, on n'a jamais conçu ou pensé, ou si, on n'a jamais imaginé non plus, qu'il pourrait y avoir une division, une séparation entre la religion et la politique, parce que c'est inconcevable. Puisque les deux sont des aspects de la vie qui vont ensemble, et l'islam a été révélé pour régler et gérer tous les différents aspects de la vie, y compris la politique. Et la politique, ça consiste en quoi? Ça consiste à gérer les différents aspects de la vie pour que les hommes puissent vivre en harmonie, pour qu'ils puissent vivre bien, et d'établir la justice entre eux, et aller le plus possible. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, il continue, puis il dit, إلى أن قال فهذا الفصل هو الفرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم مش مسكوز سبحان الله نعم فهذا الفصل هو الفرق بين ما هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم وأصله مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالسنة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به فمن لم يستقر هذا في قلبه لم يرسخ قدمه في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit la différence dans cette, cette séparation qu'on a mentionnée, c'est-à-dire de diviser, de diviser la politique en deux, puis de dire ce qui est juste dans la politique, ça fait partie de la charia, et ce qui est injuste, ça fait pas, c'est qu'est-ce qui oppose la charia. Cette division-là, c'est la différence entre les héritiers des prophètes, c'est-à-dire les ulama, et les autres. C'est-à-dire, cette distinction-là, c'est la distinction qui est faite par les ulama, par opposition aux autres. وَأَصْلُهُ مَبْنِيٌ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ. Et à la base, c'est basé sur une seule lettre ou une seule parole, c'est-à-dire le message général de la sunna. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout ce que les serviteurs d'Allah ont besoin comme connaissance et comme science par lesquelles ils vont être capables d'organiser leur vie comme il faut et se préparer pour leur au-delà. Et ils n'ont pas besoin de rien d'autre en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la sunna pour gérer ça. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont besoin pour gérer et pour comprendre, pour savoir comment bien vivre dans cette vie d'ici-bas et pour arriver à une bonne fin dans l'au-delà est compris dans le message de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on n'a pas besoin de rien d'autre en dehors de ça pour y arriver. La seule chose qu'on a besoin, c'est celui qui va nous transmettre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a amené. C'est tout ce qu'on a besoin. Il dit فَمَنْ لَمْ يَسْتَقِرْ هَذَا. Celui dont cette connaissance-là ou cette base-là n'a pas été fermement établie dans le cœur, eh bien, son pied n'est pas enraciné dans la foi en ce que les messagers ont amené. C'est-à-dire, celui qui n'a pas bien compris cette base-là, que l'islam, il y a tout dedans, et que c'est tout ce que tu as besoin pour gérer ta vie d'ici-bas et ton au-delà, il est compris dedans, et que tu n'as rien besoin de source extérieure à l'islam pour gérer ta vie, si tu n'as pas compris ça, alors ton pied n'est pas encore ferme dans la foi en le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته وإلا فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم من أحوال طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن وما جل لهم ذلك حتى كأنهم عاينوه. Donc là, l'imam Ibn al-Qayyim, il donne des exemples plus précis, il décrit plus en détail qu'est-ce qu'on a expliqué en général. Il dit qu'il est obligatoire donc de croire en le message général du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Comme il est obligatoire également de croire, comme chaque individu qui est chargé de la responsabilité d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a atteint l'âge de la puberté et qu'il a la raison, il est obligé de croire en le message général du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a personne qui sort de cette obligation-là. Il n'y a personne qui sort de cette obligation-là du tout. Et il dit de la même manière que il n'y a pas une vérité parmi les sciences qui nous ont été enseignées et parmi les applications qui nous ont été ramenées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté que la vérité est dedans. Et que qu'est-ce qu'il a ramené, ça nous suffit. Ça suffit pour tous les besoins de la Ummah. Ça suffit pour tous les besoins de la Ummah de telle façon qu'on n'a pas besoin de rien d'autre en dehors. C'est-à-dire que si on se limite uniquement à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça nous suffit pour savoir comment organiser notre vie sur tous les plans de la vie et toutes les dimensions de la vie, politique, économique, sociale et autres, religieux en premier. Donc tout est compris dans la charia. Et il dit, celui qui a besoin d'autre chose que de l'islam pour gérer ces affaires-là, c'est uniquement à cause du peu de science qu'il a de la religion et de sa compréhension. Parce que s'il avait une connaissance plus grande de la religion et de ses compréhensions et de sa compréhension, ça lui aurait suffi. Mais il dit, selon le peu de science qu'une personne peut posséder, il aura besoin de quelque chose extérieur à l'islam. Et donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui disent l'islam c'est pas suffisant, dans le sens que la charia c'est pas suffisant pour gérer notre vie, parce qu'il n'y a pas tout dans la charia. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne connaît pas la charia de façon complète. Sa connaissance de la charia est très limitée. Il n'a pas étudié la religion. Et c'est souvent le cas chez les gens qui ont étudié dans les sciences de la dunya, chez les kuffars, soit en sociologie, soit en politique, soit en économie, ou d'autres domaines, ils ne connaissent rien de la charia pour de vrai. La connaissance qu'ils ont de la charia, c'est une connaissance très superficielle. Peut-être qu'ils ont lu quelques livres comme ça, écrits par des penseurs islamiques, mais ils ne connaissent pas réellement la charia, parce qu'ils ne l'ont pas étudié en profondeur. Et bien entendu, étudier la charia en profondeur, ça demande des années et des années d'études. Et c'est pas juste quelqu'un qui fait par exemple un doctorat ou une maîtrise en islam que ça y est, il a compris la charia en profondeur. Non, on parle des années et des années d'études et de compréhension et d'études avec les hommes de science pour pouvoir atteindre ce degré de religion, de compréhension de la religion. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort avant de nous avoir tout expliqué de la vie et de la religion. Même à propos d'un oiseau qui bat ses ailes dans le ciel, il nous a dit quelque chose à son sujet. Il dit, même les manières, il nous a même enseigné les manières comment aller faire nos besoins quand on va aux toilettes. Il nous a même enseigné les manières et les étiquettes comment on doit avoir nos rapports sexuels avec nos épouses. Il nous a même enseigné comment dormir comment se tenir debout, comment s'asseoir, comment manger, comment boire, comment monter sur notre monture ou dans notre moyen de transport, hein, ou bien comment descendre de cela. Il nous a même décrit le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le repose-pied, les anges. Il nous a parlé des anges, il nous les a décrits, il nous a parlé du paradis, il nous a parlé de l'enfer, il nous a parlé du jour de la résurrection. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce jour de la résurrection? Comme si on était là et comme si on l'a vu avec nos propres yeux. Il nous a tout expliqué. Il nous a fait également connaître notre Seigneur, celui qu'on adore, Allah subhanahu wa ta'ala, de la plus complète connaissance. Et il nous a parlé de notre Seigneur comme si on le voyait par les descriptions qu'il nous a données de lui, par ses attributs de perfection et ses caractéristiques de majesté. Et il nous a fait connaître également les prophètes, ainsi que les nations de ces prophètes, et qu'est-ce qui leur est arrivé, et qu'est-ce qui est arrivé avec eux. De même qu'il nous a fait savoir également, hein, tout ça, comme si on était parmi eux. Et il nous en a parlé comme si on était avec eux. Il nous a fait savoir également toutes les différentes voies vers le bien et toutes les différentes voies vers le mal, en détail et avec des explications précises. Et il nous l'a expliqué d'une manière qu'aucun autre prophète avant lui l'avait fait pour sa nation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un prophète avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait expliqué la religion et les détails de la religion aussi, d'une façon aussi détaillée et aussi précise que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour à sa umma. Regardez les livres des juifs, regardez les livres des chrétiens, regardez les détails, qu'est-ce qu'ils ont eux dans leur religion, et comparez avec qu'est-ce que nous on a dans le Coran et dans la sunna et dans la sharia, il n'y a rien de il n'y a aucune comparaison possible. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué en détail dans cette religion, il n'a rien laissé. Et il dit, il nous a également fait connaître les choses qui se passent dans les états par rapport à la mort, et qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort dans Al-Barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, des délices et des châtiments qui sont dans la tombe pour l'âme et pour le corps, et qu'est-ce qui va leur arriver, comme si on le voyait avec nos propres yeux. Donc tout ça, ça nous a été expliqué. Après le Cheikh, il dit وَكَذَلِكَ عَرَّفَهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ طَوَائِفِ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ مَا لَيْسَ لِمَنْ عَرَفَهُ حَاجَةٌ إِلَى كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الْبَتَّةِ. Il dit, il leur a également fait connaître les preuves de l'unicité d'Allah et de la prophétie et de la résurrection et la réfutation de tous les groupes et de toutes les sectes et toutes les religions de kufr et d'égarement, à un point tel qu'il n'a même pas besoin, il n'a même pas laissé le besoin de se référer à la parole de quiconque en dehors, il y en a des hommes, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces questions-là. Tout a été clarifié à ce sujet-là dans la révélation. وكذلك عرفهم من مكايد الحروب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفهم بمكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظرف به وما لو علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدا وعليكم السلام ورحمة الله. Il dit également, il nous a également fait connaître les ruses de la guerre, et comment rencontrer l'ennemi dans le combat, et comment faire pour avoir la victoire sur nos ennemis. Et il nous a tout enseigné de ces choses-là, et si on l'aurait su, si on le connaissait comme il faut, et si on l'aurait appliqué comme il faut, on n'aurait jamais eu un ennemi qui pouvait nous tenir tête. Hein, jamais. Il dit « وَكَذَلِكَ عَرَّفَهُمْ مِنْ مَكَايِدِ إِبْلِيسِ وَتُرُقِهِ الَّتِي يَأْتِيهِمْ مِنْهَا وَيَحْتَرِزُونَ بِهَا مِنْ كَيْدِهِ وَمَكْرِهِ وَمَا يَدْفَعُونَ بِهِ شَرَّهُ مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ أَرْشَدَهُمْ فِي مَعَايِشِهِمْ وفي معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. Donc il dit de même qu'il leur a fait connaître les ruses de Iblis, les ruses du Shaytan, et les moyens ou les voies que le Shaytan utilise pour arriver à faire du tort à l'homme. Donc le prophète nous a tout expliqué là-dessus et il nous a montré comment se préserver et se protéger de ces ruses et de ces complots. Il nous a enseigné ce que on a besoin de connaître pour repousser son mal. Et on n'a pas besoin de rien d'extérieur à l'islam ou de plus pour y arriver. Hein? On n'a pas besoin d'aller voir chez des sorciers ou chez d'autres personnes pour essayer d'avoir une protection contre le shaitan ou autre, comme le font certains malheureusement, qui vont chez le shaitan pour chercher une protection contre le shaitan. Et bien entendu, les sorciers, ils ne vont pas t'aider, ils vont te mettre encore plus de problèmes dans ta vie. Le cheikh, il dit, et donc, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés dans notre vie pour nous montrer ce qu'on doit faire, et que si on l'appliquait, toutes les affaires de notre dunya seraient droites. Il dit, « وَبِلْ جُمْلَا فَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بحذافيره ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه ولهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عن من سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها أو إلى حقيقة خارجة عنها أو إلى قياس خارج عنها أو إلى معقول خارج عنها فمن ظن ذلك فهو كمن ظن عنها إلى أن أو إلى نعم نعم Je me suis perdu. فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Donc le cheikh ici, c'est là qu'il dit de façon générale, et c'est là la suite de la citation de l'imam Ibn al-Qayyim que j'avais traduit par la suite. Ok. Donc il dit de façon générale, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ramené tout qu'est-ce qui est le meilleur et le bien de cette dunya et de l'au-delà, avec yani par sa main. Il nous a ramené tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas laissé dans le besoin de quoi que ce soit en dehors de qu'est-ce qu'il a ramené. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a scellé la prophétie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a tout. Il a tout ramené, il n'y a plus rien qui reste de yani comme besoin d'autre chose ou de quoi que ce soit d'autre. Et donc, il n'y a pas eu besoin d'un messager après lui. C'est ça. Étant donné qu'il a tout complété, il a tout expliqué, il a tout clarifié, on n'a pas besoin d'un autre prophète. C'est ce qu'il dit là ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, alors comment peut-on penser que sa charia parfaite, la plus complète que le monde ait connue, soit incomplète, ou qu'elle ait besoin d'une politique étrangère à elle-même pour se compléter, ou d'une analogie autre qu'elle-même, ou d'une réalité en dehors d'elle-même, ou d'un raisonnement extérieur à lui-même, ou à la charia. Yani, Celui qui pense de cette manière est semblable à celui qui pense que les hommes ont besoin d'un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison de cela est la connaissance limitée de ce qu'il a apporté. C'est-à-dire la raison que ces gens-là pensent que la charia n'est pas suffisante pour eux, c'est parce qu'ils ont uniquement une connaissance limitée de ce que l'islam contient et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. À cause de la faible quantité de science et de compréhension qu'ils ont de ce que Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de la religion de l'islam, qui eux se limitaient uniquement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est-à-dire les sahaba, et ils se passaient du reste, et ils ont conquis les cœurs et les contrées grâce à cela. Donc il dit le cheikh ici que celui qui pense qu'on a besoin d'une autre chose que la charia et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est comme s'il était en train de dire qu'on a besoin d'un nouveau prophète. Hein? Donc celui qui dit par exemple on a besoin de la laïcité pour gérer les affaires de la vie, en réalité qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a amené, c'est insuffisant pour gérer la vie des hommes, et qu'on a besoin d'un nouveau prophète aujourd'hui pour compléter ou rajouter des choses à la façon dont on doit gérer la vie, parce que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est insuffisant. Donc c'est comme s'il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété sa mission comme il faut, donc on a besoin de la laïcité maintenant pour inventer des nouvelles lois et des nouvelles règles et de nouveaux principes. Donc celui qui dit ça, c'est un ignorant, hein, quelqu'un d'égaré. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne certains versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit est-ce qu'il n'est pas suffisant pour eux que nous avons fait descendre sur eux, que nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre qui est récité pour eux, c'est-à-dire le Coran, il y a en cela certes une miséricorde et un rappel pour les peuples croyants. Et il dit dans un autre verset, ce qui signifie, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification de toutes choses, tibyanan li kulli shay, et une guidance, et une miséricorde, et une annonce d'une bonne nouvelle pour les musulmans. Wa bushara lil muslimin. Et il dit également ce qui signifie, et certes ce Coran guide vers la voie qui est la plus droite. Yahdi lillati hiya aqwam. Et il dit également ce qui signifie, ô vous les hommes, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, et une guérison pour ce qui est dans les poitrines, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. Il dit wa kayfa yashfi ma fi sudur kitabun la yafi bi'ushri mi'shar man nas muhtajuna ilayhi ala za'mihim al-batil wa ya lillahi al-ajab. كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم وهذا ما لا يظنه به وهذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان. Donc le cheikh il dit, comment un livre dans lequel il n'y aurait pas un dixième du dixième de ce que les hommes ont besoin pour vivre, comment ce livre là pourrait, selon ce que eux pensent, comment un livre qui ne contient pas le dixième du dixième de ce que les hommes ont besoin pour gérer leur vie, comment ce livre-là pourrait-il guérir ce qu'il y a dans les poitrines? Comment si c'était un livre qui était incomplet, qui avait juste une infime portion de ce que les hommes ont besoin, comment Allah dirait à son sujet que ça guérit ce qu'il y a dans les cœurs? Et il dit Ya lillahi al-ajab, il dit comme ça c'est étonnant, Comme ça, c'est étonnant ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Comment les sahaba et les tabi'oun qui ont vécu avant nous, ils n'ont pas yani, eu besoin de, yani, de ces règles, de ces lois et de ces, yani, comment on dit, ces opinions et de ces analogies que ces gens-là ont inventées. C'est des gens qui ont été guidés par les textes uniquement, rien d'autre. Hein? Donc, en disant ça, il réfute tous les gens des Garmas. Il réfute les Mu'tazila et les Jahmiya qui ont inventé des règles pour essayer d'interpréter le Coran et la Sunna selon la logique grecque, au lieu de se référer au Coran. Et qui ont dit, on a besoin de la philosophie grecque et des règles de la logique grecque pour comprendre le Coran et la Sunna et comprendre les noms et les attributs d'Allah. Et en utilisant cette méthode, ils ont nié les noms et les attributs et sont tombés dans plein d'égarements et de bid'a et de shirk et de kufr. Donc ça c'est un exemple. Ceux qui ont ramené les bid'a de tasawwuf, la même chose. Hein? Ils ont ramené toutes sortes d'opinions et de pratiques qui n'ont rien à voir avec la religion. Et la même chose avec les laïcs, ceux qui prétendent qu'on a besoin de quelque chose extérieur à l'islam pour compléter la religion ou des lois étrangères pour compléter la vie ou des choses de ce genre. Il dit, les sahaba n'ont eu besoin de rien de ces choses-là parce qu'ils ont connu la révélation et qu'ils ont compris la révélation. Et il dit, c'est des gens qui ont été mieux guidés et plus savants que ceux qui sont venus après. Tandis que les gens de Bid'a et ceux qui suivent les voies d'égarement, eux prétendent qu'ils sont plus savants et mieux guidés que les sahaba et les tabi'in. Hein? Donc il dit, celui qui pense ça, il n'a pas même une infime portion, il n'a même pas de raison ni de gêne, s'il est capable de penser ça ou de dire ça. Na'udhu billahi min al-khuzlan. Donc il dit, walakin man utiya fahman fil kitabi وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه بحسب ما أوتيه من الفهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il dit, mais celui qui a reçu une compréhension de la part d'Allah à propos du livre et des hadiths du messager صلى الله عليه وسلم, il se passe de tout le reste. Il se passe de tout le reste. Il n'a pas besoin de rien d'autre. Hein? Ce qu'il a reçu, ce qu'il reçoit comme compréhension de la religion, c'est suffisant pour lui. Et ça, c'est une grâce qui vient d'Allah et il la donne à qui il veut. C'est-à-dire la compréhension de la religion. C'est une grâce qui vient d'Allah et Allah, il la donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur, certes, d'une grande grâce. Il dit, وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه عدة أسفار ولكن هذه لفظات يسيرة تشير إلى ما وراءها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من بدائع الفوائد. Donc le cheikh il dit, ça c'est une parole que j'ai mentionnée ici maintenant. Si elle devait être approfondie comme il se doit, on aurait rempli de nombreux volumes juste pour l'expliquer tout ce passage-là qu'il a dit Ibn al-Qayyim. Mais ce sont, il dit, seulement des mots que j'ai mentionnés pour indiquer ce qu'il y a derrière. Mais il faut comprendre que c'est juste un point qu'il fait, mais si on élabore là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut détailler. Et ça, c'est de son livre Bada' et Al-Fawa'id. Et moi, je l'avais lu dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Il y a la même parole que ça. Donc, il dit, وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَا كَثِيرًا مِنْ مَقَاسِدِ الْأَسَاسِيَةِ للإمامة في الشريعة الإسلامية ما بين مطول ومختصر وألف صديق حسن خان المتوفى سنة 1307 هجريا كتابا بعنوان إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة. Donc le cheikh il dit, les ulama ont écrit de nombreux livres pour expliquer les objectifs de la dirigeance et de la gouvernance dans l'islam, et les objectifs pour lesquels on a besoin d'un dirigeant dans la charia islamique. Et certains livres sont détaillés, très approfondis, et d'autres sont résumés. Et parmi les livres qui ont été écrits à ce sujet, il y a un livre écrit par Siddiq Hassan Khan, un des ulama qui est mort en l'an 1307 de la Hijra. Et il a écrit un livre qui s'intitule Iqlilu al-Karama fi Tibyani Maqasid al-Imama. Il explique les objectifs et les buts de la dirigeance. Il dit: ولما رأيت العلامة ابن جماعة الكناني رحمه الله قد استوفى جل هذه المقاصد وعبر عنها بالحقوق الواجبة على السلطان آثرت سياقها كما ذكرها حيث ذكر الحقوق التي للسلطان والحقوق التي عليه وهذا سردها. Donc le cheikh il dit, et il y a également un autre savant qui s'appelle Ibn Jama'a al-Kinani, et dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Tahrir al-Ahkam fi Tabdir Ahl al-Islam, il a énuméré les objectifs de la dirigeance et de la gouvernance, et il a expliqué cela en exprimant cela dans les termes des droits qui sont obligatoires envers le dirigeant et les devoirs du dirigeant. Et donc il dit, j'ai laissé le format tel que le cheikh l'a mentionné, hein, puisqu'il a mentionné les devoirs et les droits du dirigeant, et il les a cités tels quels. Donc on va les lire ensemble. Le cheikh il dit: wa lis-sultan wal khalifa ala al-ummati 10 huquq wa lahum alayhi 10 huquq. Donc il dit que le dirigeant ou le sultan ou le khalifa ou celui qui est au pouvoir dans l'islam, dans un pays musulman, il a 10 droits. Il a 10 droits. Et la population a 10 devoirs envers lui et ont 10 droits sur lui. Et il les énumère. Il dit: أما حقوق السلطان العشرة فالحق الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الإمام ونوابه عند الأكثرين، وقيل هم العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. Donc le cheikh il commence à mentionner les 10 droits du dirigeant. Le premier droit du dirigeant, c'est le suivant: de lui donner l'obéissance apparente et cachée, ouvertement et intérieurement, dans tout ce qu'il ordonne et dans tout ce qu'il interdit, excepté si c'est une désobéissance à Allah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les dirigeants. Ulul Amr, le cheikh il dit, ce sont les dirigeants et ses seconds, c'est-à-dire ses députés ou ses ministres, c'est eux les dirigeants. Ulul Amr. Et d'autres ont dit également parmi les ulama que ce sont les ulama aussi. Donc ce sont aussi les ulama de l'islam qui sont Ulul Amr. Mais en premier, c'est celui qui est au pouvoir. C'est lui qui a l'autorité sur tout le monde. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths, et ça c'est juste un hadith, mais il y en a des dizaines et des dizaines, qui dit: l'écoute et l'obéissance est incombe au musulman. C'est-à-dire le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît, tant qu'il n'est pas ordonné de faire un péché. C'est-à-dire tant que le dirigeant ne lui ordonne pas de faire un péché. وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثني منه سوى المعصية فبقي ما عداه على الامتثال. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager ont rendu obligatoire l'obéissance aux dirigeants tant qu'il n'a pas ordonné de faire un péché. Il a la seule exception à son, dans son obéissance, c'est quand il nous ordonne de faire qu'est-ce qui est ma'siyah, qu'est-ce qui est haram. Sinon, le reste, tu dois faire ce qui t'est ordonné, selon ta capacité. Yani. Al-haqq al-thani, donc ça c'est le premier droit, l'obéissance. Bien entendu, les khawarij, ils contredisent ce premier droit du dirigeant, parce qu'ils disent, il faut que le dirigeant, il faut que, c'est-à-dire, eux, ils appellent à, ils disent, il faut que le dirigeant soit juste, et qu'il soit sans péché, ou qu'il ne fasse pas des grands péchés. Ils disent que du moment que le dirigeant fait des grands péchés, ou qu'il soit injuste, il fait de l'injustice, alors dans ce cas-là, ils disent, on ne doit pas l'obéir, et on doit se révolter contre lui. Ça, c'est la voie des Khawarij. Et ils font le takfir de ce dirigeant s'il ne juge pas par tout ce que Allah a révélé dans tout. Et ils le considèrent comme étant un kafir. Et ils ordonnent les gens de se révolter contre lui. Allah musta'an. Donc ça, c'est la voie des Khawarij. Et eux, ils incitent les musulmans à faire des révoltes et des rébellions et des coups d'État et des attentats et des trucs de ce genre. Comme on voit aujourd'hui de la part des Khawarij, comme Al-Qaïda, Daesh, qui sont dans les pays, dans différents pays musulmans, et aussi en Syrie, Ansar al-Jaysh al-Nusra, et en Somalie, Al-Shabaab, qui sont aussi des groupes qui font partie des Khawarij, Boko Haram en Nigeria. Boko Haram, la même chose. Tous ces groupes-là font partie des groupes des Khawarij. Et les kuffars, aujourd'hui dans les médias, ils disent toujours ces groupes-là sont des groupes radicaux intégristes et fondamentalistes ou je ne sais pas quoi. Nous on dit ce sont des gens qui font partie de la secte des Khawarij. Ce sont des gens d'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cette secte depuis son époque, et il a dit à leur sujet que ce sont des chiens de l'enfer. Kilab ou Ahl al-Nar. Donc, c'est pas juste des extrémistes, comme quelqu'un qui fait un extrême, qui exagère dans certains aspects de la religion seulement. Ce sont des gens qui sont des gens sectaires, qui font partie d'une secte, qui est la première de toutes les sectes à apparaître dans l'histoire de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde à leur sujet avant sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas juste comme ils prétendent que c'est des, un groupe parmi les extrémistes ou des choses comme ça. Et maintenant, on dirait que parfois, quand tu lis les médias, comment ils parlent de Daesh par exemple, on dirait presque qu'ils leur font des éloges. Et on dirait presque qu'ils parlent d'eux, ils mentionnent, ils sont forts, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On dirait qu'on se demande, mais est-ce que vous êtes en train de les glorifier ou bien est-ce que vous êtes en train de les encourager ou quoi? Et chaque fois que ces shayatin, ces diables font une vidéo, ils la mettent dans les médias et eux ils la repassent dans les journaux, dans les médias, partout pour que les gens voient ça. C'est comme si on dirait qu'ils sont en train de faire de la publicité pour Daesh, nasallallahu al-afiya. Donc c'est pour ça que nous, on est contre Daesh et eux, les koufars, ils disent qu'ils sont contre le terrorisme, mais dans la charia de l'islam, les punitions pour les terroristes et pour ceux qui font le fasad, fil ard, ils sont beaucoup plus sévères que les punitions que les koufars ont pour ces gens-là. Parce que les koufars, par exemple, ils sont contre le terrorisme, ils disent on est contre le terrorisme. Et on est contre les extrémistes. Mais ils laissent les Khawarij faire leur da'wa et faire leur publicité et encourager qu'est-ce qu'ils font et même appeler à leurs idées. Ils disent oui, tant qu'ils n'ont pas fait rien d'action, on ne peut pas les arrêter. ils ont le droit de s'exprimer, la liberté d'expression. Tandis que dans l'islam, si tu vois quelqu'un qui appelle à la voix des khawarij, qui fait la da'wa à la voix des khawarij, le dirigeant musulman, il doit les arrêter. Il ne les laisse pas faire la da'wa à la bid'a et à appeler à la bid'a des khawarij. Hein, c'est pas juste d'attendre qu'ils font des actes de terrorisme, attendre qu'ils fassent des problèmes, que là après on va les arrêter seulement. Non. Si tu vois quelqu'un, il appelle à cette voix, on va pas dire oui, toi t'as le droit, t'as la liberté de t'exprimer, tu peux dire ce que tu veux. A'udhu billah. Donc là, les concepts de liberté d'expression absolue, de dire que tu peux dire tout ce que tu veux et de penser qu'est-ce que tu veux, de croire en qu'est-ce que tu veux, ça c'est les idéologies des koufars. Nous les musulmans, on n'est pas d'accord avec cette liberté absolue de dire ou de penser ou de croire tout ce que tu veux. Hein? Ça c'est les principes et les idées des koufars. Si tu es musulman puis que tu as des idées qui sont innovées ou qui sont des bid'ah ou qui sont des choses en contradiction avec le Coran et la sunna et la voie des salaf al-salih, le dirigeant musulman, il a le droit et même il a l'obligation de l'arrêter, cette personne qui fait du façade, et de le stopper. Et c'est ça ce que les ulama ont fait avec Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, à l'époque, Aïd al-Qarni et toute cette clique qui faisait de la fitna en Arabie Saoudite à l'époque, ils les ont mis en prison. Hein? Et c'est qui a signé pour les arrêter? C'est Cheikh bin Baz et les grands ulama qui ont signé pour faire arrêter ces gens-là parce qu'ils faisaient de la fitna et du façade. Ils les ont interdits de donner des cours et d'enseigner et de prêcher et de faire des khutab et ainsi de suite. Et ils les ont mis en prison pour leur bien à eux en premier, pour qu'ils évitent de se faire du tort à eux-mêmes et pour qu'ils arrêtent de faire du tort aux autres musulmans en les incitant à qu'est-ce qui amène de la fitna. Hein? Donc ça c'est un exemple comment dans la charia il y a la protection de la religion des gens, pas seulement dans leur vie par rapport à des actes qui peuvent mettre fin à leur vie ou faire du tort à leur vie comme les actes de terrorisme, mais également dans les croyances et dans les pensées et dans les idées qui sont propagées dans la société, si c'est des idées qui appellent à l'égarement ou qui amènent au kufr. Hein? Dans l'islam, non, on n'a pas le droit de croire en qu'est-ce qu'on veut. On n'a pas le droit de croire en ce qui est faux. Et on n'a pas le droit de dire aux gens qu'ils ont le droit de croire en ce qui est faux. Hein? Mais les koufars, ils ont dit, oui, quelqu'un a le droit de croire en ce qu'il veut, même si c'est faux. Et ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut du bien d'agir comme ça. Mais la réalité, c'est qu'ils prétendent qu'ils sont pour la liberté. Mais quand on observe plus en profondeur, on réalise une chose, c'est qu'ils sont pour la liberté juste quand c'est en accord avec leurs fondements et leurs principes. Mais quand tu critiques leurs idées et leurs fondements et leurs principes, et que tu dis que qu'est-ce qu'ils appellent, ce à quoi ils appellent ou leurs idées sont en contradiction avec la vérité et ce que Allah a révélé, là ils essaient de te mettre des bâtons dans les roues et de te donner des problèmes. Mais la charia d'Allah est toujours supérieure, toujours meilleure, parce que c'est l'enseignement des prophètes, c'est la révélation divine qui vient d'Allah. Donc comment tu peux comparer des lois faites par des êtres humains avec qu'est-ce qui vient du créateur des cieux et de la terre? Il n'y a pas de comparaison possible. Donc, al-haqq al-thani, deuxième droit, badl al-nasihati lahu sirran wa alaniyatan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ad-din al-nasiha. Qalu liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati al-muslimina wa ammatihim. Donc, le deuxième point, parmi les trois, c'est de lui donner le bon conseil, sincère, en privé et ouvertement. Et il dit, ça c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, la religion c'est le bon conseil, c'est la nasiha, c'est la sincérité. Ils ont dit, envers qui au messager d'Allah? Envers Allah, envers son livre. Envers Allah, envers son messager, envers son livre, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Donc tu dois faire preuve de sincérité et donner le bon conseil. Hein? Être sincère envers Allah, être sincère envers le messager, être sincère envers le Coran et donner le bon conseil aux dirigeants et être sincère envers eux. et envers les musulmans en général. Le troisième droit, hein, juste ce hadith-là, là, hein, je me rappelle au début quand on a ouvert la mosquée, quand on a commencé à faire les khutbah ici, j'ai fait des khutbah sur ce hadith. Chaque vendredi, j'ai expliqué un point de ces aspects du hadith. La nasiha envers Allah, qu'est-ce que ça signifie? On a fait une khutbah sur ça. La nasiha envers son messager, on a fait un khutbah juste sur ça. La nasiha envers le livre d'Allah, on a fait une khutbah juste sur ça. Et la nasiha envers les dirigeants, on a fait une khutbah juste sur ça. Et la nasiha envers les musulmans en général, on a fait une khutbah juste sur ça. Et ça veut dire que ce hadith-là tout seul, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au début du hadith, « Ad-dinu al-nasiha ». C'est-à-dire, la religion au complet, c'est la nasiha. C'est-à-dire, la nasiha, c'est pas qu'est-ce qu'on pense. La nasiha, ça comprend la religion au complet. Il y a tout dans la nasiha, dans l'islam. Si tu comprends ce hadith-là comme il faut, tu vas comprendre la religion au complet. Parce que la religion, c'est la sincérité. C'est la nasiha envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les musulmans, les dirigeants et envers les musulmans en général. Al-haqq al-thalith, al-qiyam bi-nusratihim ba'tinan wa zahiran bi-bazl al-majhud fi dhalik lima fihi nasr al-muslimin wa iqamatu hurmati al-din wa kaffu aidi al-mu'tadin. Donc le troisième droit du dirigeant, c'est de les défendre intérieurement et extérieurement en faisant tous nos efforts pour les défendre et pour défendre les musulmans et établir l'aspect sacré de la religion, établir le respect de la religion et de retenir les mains des transgresseurs, c'est-à-dire d'arrêter les transgresseurs. Donc ça fait partie des droits, de défendre le dirigeant, intérieurement et extérieurement, d'être sincère envers lui. Hein? Ça, c'est peu de gens aujourd'hui seraient capables de faire ça, parce que la plupart des gens, ils détestent leurs dirigeants. Tu vois, les awam des musulmans, ils ont été infectés à notre époque par les pensées et les idéologies des khawarij. Tu les vois en train toujours de critiquer, de parler contre les dirigeants. Et ils pensent que ça fait partie de l'islam d'être comme ça. Hein? Et juste aujourd'hui, il y a un ignorant qui a un site internet, il fait des conférences, il parle de la démocratie, il pense que l'islam c'est la démocratie. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, premièrement, il donne sa propre définition de qu'est-ce que ça signifie la démocratie, il ne donne même pas la définition de ceux qui l'ont inventée. Puis après ça, il prétend que dans l'islam, il faut respecter la volonté du peuple, puis que c'est le peuple qui décide, et qu'il dit, bon, la définition de la démocratie, il dit, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Hein? Et après, il dit, qui a dit que le peuple voulait autre chose que la charia? Subhanallah, est-ce que tu as vu, ici par exemple, tu vas demander par exemple, est-ce que vous voulez le Coran et la Sunna et l'ordre d'Allah et respecter les règles d'Allah et qu'est-ce qui est dans l'islam? La majorité des hommes sur la terre, ils ne veulent pas se soumettre à la vérité, ils veulent suivre leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. Yani, subhanallah, si tu. C'est quoi le verset? وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. C'est ça le verset. C'est-à-dire, si tu obéis à la majorité des hommes sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc, de penser que, oui, si tu donnes le choix aux hommes, ils vont vouloir l'ordre d'Allah. D'un point, ils ne vont pas vouloir. Parce que la plupart des hommes sont ignorants. Premièrement, ils ne savent même pas c'est quoi l'ordre d'Allah, c'est quoi que Allah veut. Donc comment ils peuvent le vouloir s'ils ne le connaissent pas? Déjà, ça, c'est pas possible. Et deuxièmement, la plupart des hommes suivent leur passion, ils veulent leur désir. Donc comment tu vas leur penser qu'ils vont vouloir l'ordre d'Allah? Franchement, c'est des gens vraiment, soit ils sont soit ils sont bêtes, ou soit ils sont naïfs, ou quoi, quelque chose comme ça, mais il y a un problème dans leur compréhension. Ça, c'est les Ikhwan, la plupart des Ikhwan, c'est comme ça qu'ils pensent. Et donc, tu les vois en train de faire des dissertations, en train d'expliquer qu'est-ce qu'ils pensent être la démocratie et comment l'islam est en accord avec ça. Et donc, ils disent, s'il y a un dirigeant qu'on n'aime pas, les musulmans, ils ont le droit de l'enlever du pouvoir. Ça, c'est en contradiction avec toutes les paroles d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a l'ijma à ce sujet-là. Donc, comment ils peuvent ramener des shubuhat là-dessus? Donc, le cheikh, il dit, « Al-haqq al-rabi' an ya'arifa lahu azimu haqqihi. An ya'arifa lahu azimu haqqihi. وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم ليس من السنة. Donc le cheikh il dit, le quatrième droit du dirigeant, c'est de connaître le grand droit qu'il a sur les gens et de savoir qu'on doit le respecter, respecter son statut et le traiter avec respect et honneur. Et savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme grandeur. Et c'est pour ça que les ulama de l'islam et les grands imams de la religion respectaient le droit sacré des dirigeants. Et ils répondaient à leurs invitations. Et malgré ils répondaient à leurs invitations, mais en même temps, ils ne cherchaient pas à obtenir rien de leur part. C'est-à-dire, ils répondaient à l'appel ou à l'invitation des dirigeants, mais ils ne demandaient rien aux dirigeants. Ils ne souhaitaient rien de ce que les dirigeants ont dans leurs mains. Contrairement à certaines personnes parmi les hommes aujourd'hui qui se disent soufiyines, qui prétendent se détacher de la dunya, et tu les vois, les gens qui sont les plus collés au pouvoir, pas pour leur donner la nasiha, ou pour leur montrer le bien et leur enseigner le bien, mais juste pour obtenir d'eux des faveurs de la dunya. Et de les encourager dans le batil. Nasallallahu al-afiyah. Donc tu vois les soufis aujourd'hui, la plupart des soufis, des chouyours soufis, les grands chouyours soufis, c'est les gens, parmi les gens qui mangent le plus le bien des pauvres et le bien des gens, bil batil. Yani de façon injuste. Oui, c'est connu. Oui, c'est connu. Il a une voiture, il n'y a même pas la route pour cette voiture-là. Il est dans un pays, il a une voiture, les routes ne permettent même pas que tu roules avec cette voiture-là. Subhanallah. Tellement il a d'argent. Même des Européens ne peuvent pas acheter cette voiture-là, tellement elle est chère. Ouais. Donc c'est ça. Donc ça, c'est des gens, ils mangent l'argent des gens injustement. Et, lui, il reste assis comme ça, il ne fait rien. Et eux, ils viennent, ils lui embrassent les pieds, ils se mettent à quatre pattes devant lui, ils font sujoud devant lui. Et après, ils prétendent qu'ils n'aiment pas la dunya, qu'ils ne sont pas attachés à la dunya. Allah al-musta'an. Donc, les salafs et les imams de l'islam, ils n'étaient pas comme ça. Ils respectaient les dirigeants et en même temps, ils se détachaient de la dunya. Et ils n'espéraient pas que le dirigeant leur donne quoi que ce soit. Et un des meilleurs exemples qu'on a de ça à notre époque, c'est les grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mohamed Ibn Saleh Al-Uthaymin. Combien de fois les dirigeants viennent même le visiter, par respect pour les ulama, ils vont eux-mêmes, les dirigeants de l'Arabie Saoudite vont eux-mêmes visiter les ulama. Et le cheikh, il les honore hein, quand ils viennent, ils les traitent avec respect et honneur. Et en plus de ça, les dirigeants, ils lui ont offert de lui construire une nouvelle maison. Parce que le cheikh Ibn Uthaymeen, il vit dans qu'est-ce qu'on appelle les al-buyut al-sha'biyya. Al-buyut al-sha'biyya, c'est les maisons anciennes construites avec la terre. Yani qui, c'est pas des maisons modernes avec du béton et tout, toutes bien construites. Non, il vit dans des anciennes maisons, le style ancien saoudien, dans une petite ville, hein, Unayza, oui c'est ça, dans le Qassim, la région de Qassim, au centre de l'Arabie Saoudite. Donc les dirigeants là-bas, ils ont dit, on va te construire, cheikh, on va te construire une belle maison avec plusieurs étages et ainsi de suite. Cheikh, il a dit, non, moi j'en veux pas, je suis bien avec ma petite maison, qu'est-ce que j'ai? Très humble, cheikh, très modeste. Et il a dit, si vous voulez absolument faire quelque chose, construisez une maison pour mes étudiants. Alors ils lui ont construit une maison pour que ses étudiants, quand ils viennent, ils peuvent avoir une place pour habiter. Hein, quand ils viennent chercher la science et étudier la religion. Donc, il voulait rien de qu'est-ce qui vient de la main des dirigeants, mais il les respecte en même temps. Et donc, les takfiriyin, hein, qui prétendent qu'ils respectent les ulamas, quand ils voient Cheikh Ibn Uthaymeen, et que les dirigeants viennent chez lui, ils prennent le thé avec lui, le café, ils boivent, ils mangent avec lui, là, eux, ils sont en colère, ils sont fâchés, ils disent, ah, Astaghfirullah, pourquoi il s'assoit avec un tarot, il s'assoit avec un kafir, alors que le cheikh Ibn Uthaymeen, lui, il a plus de science que toi, plus de science que moi, plus de science que nous tous. Et lui, il ne dit pas ça. Qu'est-ce que toi tu dis à propos de ce dirigeant? Lui, il ne le dit pas. Hein? Donc c'est ça l'ignorance et l'égarement de ces khawarij, de ces takfirin. Hein? Allah musta'an. Donc le cheikh, il dit, ceux parmi les gens qui prétendent à la science et au détachement de la dunya et qui manquent de respect ou qui n'ont pas des bonnes manières envers les dirigeants et qui agissent comme ça, ils pensent que ça c'est correct, il dit ça ne fait pas partie de la sunna d'agir comme ça. Le cheikh dit al-haqqul khamis, le cinquième droit, iqadhuhu 'inda ghaflatihi. إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته وشفقة عليه وحفظا لديه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. Donc il dit de le réveiller lorsqu'il est insouciant, c'est-à-dire tu lui rappelles lorsqu'il est insouciant, tu l'orientes lorsqu'il fait une faute. Hein, et tu le fais par affection pour lui, pour son bien, et pour préserver sa religion et son honneur, et pour préserver ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis pour qu'il ne tombe pas dans l'erreur, hein, à son sujet. Hein? Donc ça, c'est pas qu'est-ce que vous entendez chez les gens de bid'ah aujourd'hui. Hein? Il dit al-haqqus sadis tahziruhu min aduwin يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. Non, donc le cheikh il dit également comme droit, le sixième droit du dirigeant, c'est de mettre en garde, de le mettre en garde contre son ennemi ou quelqu'un qui veut lui faire du tort ou du mal, ou contre quelqu'un qui est jaloux de lui, qui veut lui faire du tort, ou contre un khariji, hein, quelqu'un de la secte des khawarij, parmi les khawarij, qui veut, hein, de qui on craint un mal de sa part envers le dirigeant, ou de toute personne de qui on craint un mal, peu importe sa catégorie et peu importe de quelle sorte il est. Et ça, c'est parmi les plus importants et les plus grands de ces droits que Allah a rendu obligatoire envers le dirigeant. الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم ولينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. Donc, le sixième droit du dirigeant, c'est de lui faire connaître comment agissent et comment se comportent ses employés et les gens qui travaillent pour lui dans l'État, pour savoir qu'il respecte la responsabilité et le devoir qu'ils ont et pour être sûr que les droits et les devoirs qu'ils ont sont respectés pour le bien de la Ummah dans ce qu'il a comme responsabilité sur ces sujets. Donc ça veut dire que le dirigeant, par exemple, s'il y a des gens qui travaillent pour lui dans l'État, que ce soit des fonctionnaires ou autres, mais qu'ils ne font pas bien leur travail, il faut informer le dirigeant de ça. Un tel, il fait pas correctement son travail, il triche les gens, ou il agit mal, ou des choses comme ça, pour que le dirigeant puisse corriger les problèmes. Al-haqq al-thamin, i'anatuhu ala ma tahammalahu min a'ba'i l'ummah, wa musa'adatuhu ala dhalika biqadri al-mukna. Qala Allah ta'ala, wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa, wa ahaqqu man u'ina ala dhalika wulatil umur. Donc le droit numéro 8, c'est que tu aides le dirigeant à porter les gens ont besoin dans la Ummah, de l'aider selon ta capacité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et entraidez-vous mutuellement dans la bonté et dans la piété. Donc une des choses les plus importantes parmi les droits dans lesquels on doit aider quelqu'un dans le bien, c'est bien entendu les dirigeants. Puisque eux, ils ont la plus grande responsabilité envers les musulmans. Al-haqq al-sabi' al-tasi' radd al-qulub an-nafira anhu ilayhi wa jam'u mahabbat an-nasi' alayhi lima fi dhalika min masalih al-ummah wa intizami umur al-millah. Donc il dit, le dixième droit, c'est de ramener vers lui les cœurs qui s'enfuient de lui. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont des mauvaises pensées ou des mauvaises intention ou qui pensent du mal ou qui n'aiment pas le dirigeant, de les ramener vers l'amour de ce dirigeant-là. Et il y a dans cela les biens et les intérêts de toute la Ummah. Et c'est ainsi que toutes les affaires de la religion vont s'organiser. Parce que si les gens détestent le dirigeant et sont contre lui, il n'y a rien qui peut se faire dans la société. Il n'y a rien qui peut s'organiser. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire sa part. والحق العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت. Donc il dit, il faut, comme dixième droit envers le dirigeant, il faut le défendre par la parole et par l'action, par les biens et par ta vie et par ta famille. Donc tu dépenses pour défendre ton dirigeant par la parole, par l'action, par les biens, par ta vie et par ta famille, intérieurement et extérieurement, de façon cachée ou ouverte. Et si le peuple respecte ses droits, ces 10 droits qui sont obligatoires, et qu'il les mette en application comme il faut, et qu'il les applique, les cœurs vont être propres et purs, et les musulmans vont être unis, et c'est là qu'ils vont avoir la victoire contre leurs ennemis. أما حقوق الرعية العشرة على السلطان فالأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها إما في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة والمعاني وبالعدة المانعة والعدة الدافعة وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. Donc parmi les 10 devoirs du dirigeant, le premier c'est qu'il حقوق الرعية à la sultane. Ça, c'est les devoirs du peuple envers le dirigeant. C'est de défendre l'islam. De défendre l'islam et les terres de l'islam, les pays de l'islam. Si c'est un dirigeant qui dirige toutes les différents territoires des pays musulmans, comme à l'époque, quand il y avait un seul khalifa pour toute la umma, dans ce cas-là, il est responsable pour ça. Mais sinon, comme c'est le cas actuellement, chaque dirigeant dans le pays où il est responsable de défendre les frontières contre les ennemis et de lutter contre les mushrikines, de faire le djihad contre les mushrikines et de défendre contre ceux qui veulent faire la guerre aux musulmans ou qui veulent transgresser contre les musulmans, d'organiser les armées, de mettre les armées en ordre, hein, de s'en occuper, de protéger les frontières et ainsi de suite, de préparer les armées avec le matériel nécessaire pour repousser les menaces et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui ont rapport avec les obligations de la population envers, par rapport aux dirigeants. Ça, c'est les responsabilités du dirigeant envers sa population plutôt. Le deuxième droit, al-haqq al-thani, hifz al-din. Hifz al-din ala usulihi al-muqarrara wa qawa'idihi al-muharrara wa raddu al-bid'i wal-mubtadi'in wa idahi hujaj al-din wa nashr al-ulum al-shar'iyya wa ta'zim al-ilm wa ahlihi wa raf'u manarihi wa mahallihi wa mukhalatatu al-ulama' al-a'lam والنصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقد والإبرام. قال الله تعالى لنبيه وشاورهم في الأمر. وقال الحسن كان والله غنيا عن المشاورة ولكن أراد أن يستن لهم. Donc il dit, parmi les droits que le dirigeant a sur la population, c'est qu'il doit préserver la religion et les fondements de la religion et les règles et les principes de la religion. Il doit également repousser les bid'ah, c'est-à-dire rejeter les innovations et les gens de bid'ah, et clarifier pour eux les preuves de la religion et propager les sciences de la charia et d'élever la science et les hommes de science de l'islam et relever également les minarets de l'islam et la place et l'importance de l'islam dans la société et dans le pays. Et il doit également fréquenter les ulama et les gens qui sont sincères envers la religion de l'islam et leur demander leur conseil et la consultation dans les règles de la religion et dans tout ce qui a rapport avec les affaires de l'État et de la religion. Il demande le conseil et il les consulte. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » c'est-à-dire « consulte-les » dans les affaires. Et Al-Hassan, il disait, par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun besoin de consultation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, washawirhum fil amr, c'est-à-dire consulte-les, hein, demande-leur leur consultation, leur conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas besoin de leur consultation. Mais malgré tout, il leur demandait leurs conseils et ils les consultaient dans les affaires dans les différentes choses des différentes décisions qu'ils devaient prendre pour donner l'exemple aux musulmans pour savoir comment ils doivent gérer les choses par la suite. Donc c'est comme pour nous donner l'exemple. Mais sinon le prophète n'avait pas besoin de shura, hein, comme on dit. Et en passant, la shura, c'est quelque chose qui est, et qui n'est pas imposé aux dirigeants. C'est-à-dire qu'il prend le conseil des gens de la shura, ahlul hilli wal aqd, il prend leur conseil et il les consulte, hein, et il donne leur conseil, mais il n'est pas obligé de prendre leur conseil. Il peut ne pas prendre leur conseil s'il décide que son opinion c'est celui qui est plus correct. Le droit numéro 3, الحق الثالث, إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلية وأهلته وحج البيت الحرام وعمرته. Donc il dit également, il faut qu'il établisse les règles et les principes et les rites de l'islam, comme l'établissement des prières obligatoires, la prière de Jumu'ah, les prières en groupe, l'établissement de l'appel à la prière, et les qama, la khutba de Jumu'ah, les imams dans les mosquées. Tout ça, c'est lui qui doit gérer ça, le dirigeant musulman, c'est lui qui doit gérer ces choses-là. Et également les questions qui ont rapport avec le jeûne du Ramadan. Quand est-ce que le mois commence et quand est-ce qu'il termine, et le hajj et la umra, tout ça c'est lui qui doit s'occuper de ça, c'est sa responsabilité. وَمِنْهُ الْاَعْتِنَاءُ بِالْأَعْيَادِ وَتَيْسِيرِ الْحَجِيجِ مِنْ نَوَاحِ الْبِلَادِ وَإِصْلَاحُ طُرُقِهَا وَأَمْنِهَا وَمَسِيرِهَا وَأَمْنِهَا فِي مَسِيرِهِمْ وَانْتِخَابُ مَنْ يَنْظُرُ أُمُورَهُمْ. Donc il doit également s'occuper de tout ce qui a rapport avec les célébrations, les fêtes, l'ariad, et essayer de faire en sorte que les différentes voies que les gens vont emprunter soient des voies sécuritaires et qu'il soit correct que les gens puissent les emprunter, et les différentes régions du pays aussi doivent être sécurisées, et il doit choisir des gens pour s'occuper de toutes ces différentes affaires-là. والحق الرابع فصل القضايا والأحكام بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة والنصحاء ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية فإنه مسؤول عنهم ومطالب بالجناية منهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل راع مسؤول عن رعيته. Donc il dit que également le dirigeant, il a comme responsabilité d'établir les règles et les jugements, et il doit aussi choisir les différents responsables des différentes régions et les juges dans les tribunaux islamiques, c'est-à-dire pour couper les disputes lorsqu'il y a des conflits, pour que la justice soit remise, hein, à celui qui a été opprimé et celui à qui on a fait une injustice. Et le dirigeant donc doit chercher ceux en qui il a confiance par rapport à leur religion pour protéger justement les droits des gens, et il doit donc choisir parmi les ulama, parmi les gens qui sont aptes et qui sont corrects et qui sont propres à être des juges, et il doit questionner à leur sujet pour savoir comment ils sont et se renseigner au sujet de leur état pour qu'ils puissent savoir la situation de ses fidèles, ou pas de ses fidèles, mais de ses sujets, de ceux qui sont sous son pouvoir, et il est responsable de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque berger est responsable de son troupeau. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Donc le dirigeant, il est comme un berger pour le peuple, il est responsable de son peuple. Il sera questionné à ce sujet-là au jour de la résurrection. On va lire le dernier, puis on va s'arrêter, hein, pour le Adhan. Al-Haqq al-Khamis, إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه وأقل ما يجب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كضعف بالمسلمين والعياذ بالله وانشغالهم بفكاك أسراهم واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها فيبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد فيبدأ بقتاله لدفعه. Donc les responsables dans l'islam du jihad et du combat et des armées et de tout ce qui a rapport avec ça, c'est uniquement le dirigeant. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on fait le jihad, quand est-ce qu'on le fait pas. C'est pas des petits groupes ou des individus qui décident par eux-mêmes qui ils attaquent ou qui ils attaquent pas, ou contre qui ils font la guerre et contre qui ils ne le font pas, comme c'est le cas de la part de certains des groupes de Khawarij à notre époque. Ils veulent se mettre à la place du dirigeant et décider à sa place. Et des fois, il y en a parmi les Khawarij, quand on dit ça, ils se moquent. Ils disent, oh, regardez les salafis, ces gens-là, ils disent que c'est les dirigeants qui doivent faire le jihad. Et là, ils mettent des photos des dirigeants musulmans qui serrent la main avec des dirigeants des kuffars, puis dire, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont faire le jihad? Parce qu'ils pensent que si ces dirigeants-là font des photos avec les dirigeants kuffars, que ça c'est contraire à l'islam. Dans le sens que je ne parle pas de la photo, mais je parle le fait de faire des ententes et des pactes et de faire des trêves, de faire des pactes, de faire des ententes internationales, des ententes diplomatiques, des ententes économiques avec des kuffars. Il n'y a rien d'interdit là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lui-même le faisait avec les juifs, avec les mouchriquines, avec les kuffars, les chrétiens. Donc ça, c'est pas interdit dans l'islam de faire ça. Et si on est trop faible, les musulmans sont pas capables, ils n'ont pas la force militaire nécessaire pour être capables de combattre un ennemi qui est plus fort que lui, alors dans ce cas-là, les musulmans sont excusés de le faire, le jihad. Et donc le dirigeant, c'est lui qui est responsable de veiller à ça et de décider qu'on fait la paix avec ce pays-là, et avec ces pays-là. On ne fait pas la guerre contre eux. Parce qu'on est faible, ou parce que il y a pas de c'est pas le temps, ou c'est pas le moment, ou c'est si et ça, c'est lui qui décide. Et qu'est-ce qui arrive si par exemple il a la force et la capacité puis qu'il le fait pas? Est-ce que toi dans ce cas-là tu dis bon, si lui il le fait pas, moi je m'en vais dehors, je vais le faire moi-même tout seul? Non. S'il le fait pas et qu'il a la capacité de le faire, c'est Allah qui va le juger au jour de la résurrection. Mais il n'a pas dit, si votre dirigeant ne fait pas ce qui est obligatoire, alors vous faites-le à sa place. Non. La responsabilité reste toujours la responsabilité du dirigeant dans ce cas-là. Sauf que s'il ne le fait pas, c'est lui qui va être responsable au jour de la résurrection, et non les musulmans en général. C'est comme par exemple si le dirigeant musulman il coupe pas la main des voleurs, ou il lapide pas les ceux qui sont coupables d'adultère. Est-ce que toi tu dis, ah, puisque le dirigeant il le fait pas, moi je vais le faire moi-même? Tu attrapes les voleurs dans la rue, tu leur coupes la main? Ça c'est haram. Les peines islamiques et les punitions religieuses dans l'islam, c'est seulement le dirigeant et l'autorité, le pouvoir, ceux qui ont l'autorité, le pouvoir dans l'État musulman, qui ont le droit de le mettre en application et de l'appliquer. Comme le jihad et comme les autres principes de l'islam. Donc c'est pas pour n'importe qui X et Y à faire ça. Mais malheureusement il y a des gens ignorants comme ça, comme les Khawarij à notre époque, qui disent, ah, puisque les dirigeants ils le font pas et qu'ils sont en paix maintenant avec les états des pays des Koufars, donc dans ce cas-là on doit nous le faire à leur place. Non, qui a dit ça? Donc ça c'est l'exemple de l'ignorance et de l'égarement de ces Khawarij, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, il est obligatoire aux musulmans de faire le djihad au moins une fois par année. Il dit ça c'est lorsque les musulmans ont la capacité et la force. Et s'ils ont besoin de le faire plus que ça, ils le font plus. Mais selon le besoin. Et il dit, et il ne laisse pas une année passer sans qu'ils fassent le djihad, excepté pour une excuse. Comme par exemple la faiblesse des musulmans. Wal'iyadu billah. Ou parce que, hein, ou bien il mentionne d'autres exemples. Soit qu'il soit, et aussi il est responsable d'essayer de faire libérer les prisonniers musulmans. Et s'il y a une terre musulmane qui a été conquise par les koufars, d'essayer de la sauver, de la reprendre. Ça fait partie des responsabilités du dirigeant aussi musulman. Et il dit, il doit commencer par combattre les pays qui sont les plus proches. Parmi les pays des koufars les plus proches. Excepté s'il y en a un qui est plus loin, qui veut lui faire du tort ou de l'attaquer, dans ce cas-là, il commence par celui qui est plus loin. Mais la règle, c'est qu'il doit commencer par ceux qui sont plus proches. Donc, Hassan, tu veux faire l'adhan ou bien Mustapha? Donc, moi, je vais m'arrêter ici, ok? On continuera la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.